autre femme impuissante. Regarde de loin la croix où leur maître vulgairement cloué est en train de mourir sur son bois. Sa mère Marie est en sanglots. On la conduit plus loin, mais ces femmes-là rester jusqu'à la fin. Leur maître a murmuré: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme parfait qui avait en lui tant de bonté, traité comme un brigand. C'est depuis la Galilée qu'elle l'avait suivi. Elle l'a vu guérir et consoler, parler de Dieu. L'homme